Mer rouge, baleine verte. Chaleur inconnue. Ce n'est pas le brasier de nos pleins midis d'été. Ce n'est point une chaleur projetée, dardée. Elle n'a pas l'air de venir du soleil. Elle brûle dans la mer très lentement. À l'intérieur des choses et de moi-même. Je suis en elle, elle est en moi. À l'horizon, tout est confondu, ciel, vapeur et lumière. Parfois, on croirait une fumée qui disparaît, mais tout se fixe et légèrement se plombe. Que l'Europe est loin, que le mouvement est difficile. Je pense au opium. Sur fauteuil du pont des troisièmes, une femme européenne est étendue dans une sorte de béatitude embrasée. Un japonais, penché vers elle, agite un journal plié et avec une patience de ventilateur, l'évente. Le soleil descend. Le ciel au zénith est rougeâtre et cotonneux. Vers l'horizon à l'est, c'est un ciel de sable, un ciel qui ressemble au désert. Mais rien n'est peint comme en Europe. La couleur est jetée en poudre ou vapeur, et tout change de seconde en seconde. À l'ouest, c'est un soleil neuf. Tous les soleils que j'avais vus avaient traîné dans les soldes. Un soleil formidable, qui déborde largement de son disque. Le disque, le vieux disque, n'est là que pour la forme. Par concession à l'usage, il descend et plonge d'un coup. Maintenant tout est froid, sans rayons. La mer noircit. Le ciel s'égalise et s'emplit d'étoiles à peine fixées, suspendues. Je suis loin de l'Europe ferme, faite de matériaux palpables et consistants. L'eau noire, le ciel noir, monde d'ébène. Il n'y a point ailleurs de nuit si molle et douce. C'est l'heure où le passager ne parle qu'avec religion. Il dit, quand on joue au bridge comme lui, on devrait avoir la pudeur de jouer aux boules ou au billard. Mais la voix du passager, je ne l'entends point comme en Europe. Elle n'a point de force contre la nuit et contre la mer. J'ai passé le tropique du cancer, mais je ne l'ai pas vu. Le lendemain, le soleil se couchait encore. Le bateau est au centre du cercle de mer. La mer, le plus souvent, semble limitée. Mais ici, le cercle est immense. La mer et le ciel ne se coupent pas en lignes nettes. C'est un mélange, une jonction floue. La mer, enfin, illimitée, est plate et gaufrée. La mer est de l'immensité parcheminée. On ne sait si le ciel est nuageux ou limpide. D'un bleu étouffé et pâle, il semble poudré de parcelles de nuages assemblées comme des grains de sable. La mer, la voici bleue, d'un bleu verni. Soudain, elle se lame d'or. La mer, toute la mer, jusqu'à l'horizon, est en or pâle, en or passé. Alors, les plus beaux aspects du monde, les plus chers en souvenir, semblent prendre des poses pittoresques, chanter la romance, déclamer leur grandeur ou préparer leur truc de féerie. Ici, la prodigalité dans la splendeur se répand avec une furtive distraction et le sublime procède par allusion. C'est l'heure où, de nouveau, les vapeurs de couleurs se fixent et s'assemblent en surface refroidie. L'heure où, de tout ce fugitif, de tout cet impalpable, se forme la nuit consistante. Le passager m'avait dit « Périme ». Il n'y a rien à voir à Périme. C'est un rocher calciné. On y trouve du charbon, du mazout et de la glace. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien d'intéressant. C'est le catéchisme du passager. Le passager a quitté un bureau ou une fonction d'Europe pour une fonction ou un bureau d'Extrême-Orient. Entre ces deux fonctions, entre ces deux bureaux, il joue au bridge. Quand il ne joue pas au bridge, le passager bâille ou il échange avec le passager des idées. Car étant blanc et civilisé, le passager a des idées. Elles sont même générales. Elles ont pour matière, motif et contenu le bridge. S'il arrive que le passager ne parle point du bridge, ses idées cessent d'être générales pour devenir universelles. Le passager alors pose les grands problèmes et les résout. Le passager est d'essence divine en ceci qu'avant même d'avoir posé le problème, il en possède la solution. Le passager sait par cœur le code de la décence universelle, plus exactement de la décence européenne. Il porte ce qui se porte. Il a acheté des blancs pour la colonie et il a emporté un smoking. Il emporte aussi des idées. Elles sont taillées exactement pour son âme de passager. Mais l'idée n'est pas exactement comparable aux vêtements. car un passager de première peut porter les idées qui ont traîné partout, et jamais il ne se demande où il les a ramassées. Le passager a un ennemi, la mère, qui, parfois, trouble son bridge. Alors il la méprise et la craint comme une foule en révolte. Si la mère est calme, il est cependant indulgent pour elle. Il la juge sans colère. « C'est monotone, » dit-il volontiers, « toujours boire de l'eau. » Le passager qui a fait plusieurs traversées ou qui a longtemps séjourné aux colonies possède une qualité qui est la compétence. Cette compétence est maritime et coloniale. Le bridge crée la compétence maritime. Si le bridge est possible, la mer est belle. Sinon, elle est mauvaise. La compétence coloniale est plus complexe. Elle exige une spécialisation. Un colonial compétent ne doit pas confondre le noir et le jaune. Il doit savoir que le noir est un sauvage qui a bon cœur et que le jaune est rusé. En cas de confusion entre les races, le colonial compétent se contente d'un principe général de colonisation. Fermeté sans brutalité. Être juste, mais ne jamais les rater. Ou d'un jugement ethnique. Croyez-moi, ces bougres-là ne sont guère intéressants. Le passager débutant, le passager d'occasion, aura toujours avantage à interroger le passager type sur la façon d'employer son temps pendant les escales. Le passager connaît les sites par les annonces affichées à bord des vedettes à pétrole et des services automobiles. Au matin, je me réveille devant Périm. Mer émeraude et ciel bleu, nuages à l'horizon, en coton et fumée, bien formés et détachés du ciel, une falaise noirâtre, une petite plage de sable. Pour mes yeux mal ouverts, c'est presque un site de Bretagne. Je monte sur le pont. Les Somalis apportent du poisson. Une barque bientôt paquebot, très balancée. Un Somalier est debout, courbé vers le mât. Un autre, qui porte un turban rouge, est assis dans la barque. Ils ne sont vêtus que d'un pagne. Qu'ils sont noirs, qu'ils sont beaux, sur la mer reflétante. L'ovale du turban rouge est alors le centre éblouissant et mobile de l'univers visible. Entre les vagues, la barque et les Somalis, c'est une entente merveilleuse de courbes qui se répondent. Barque souple, barque de lumière. Élasticité du monde et des êtres. Et d'autres barques viennent, elles accostent. Les Somalis montent sur le pont, apportant d'énormes poissons. Un négrillon somali vend des éventails en plumes d'autruche. Impassible, immobile, l'enfant noir, l'enfant nu les présente aux passagers. Mais le passager, jusque dans l'île roche du Périm, apporte l'esprit de la civilisation, qui est quelquefois de l'esprit. Le passager connaît l'ironie et l'utilise pour manifester, d'une nuance juste, sa fierté d'être blanc. Et s'adressant au grêle enfant noir, le passager ventru, au bidon gonflé de civilisation, d'une voix grasse aussi, d'une voix qui a du ventre, le passager dit « Quand je voudrais marier ma fille, je viendrai te chercher à Périm. » On distingue des bâtiments blancs, sorte de hangar au toit en demi-cercle. J'en voudrais connaître l'usage, connaître ainsi la besogne des quelques Européens qui vivent sur ce rocher nu, calciné, sans eau. J'interroge le passager. Il me répond immédiatement. Il me répond sans hésiter. C'est des... Mais le mot ne lui vient pas. Il s'aperçoit seulement alors qu'il ne sait pas la chose. Europe mangeait des mots. Deux couples anglais montent à bord. Ils viennent chercher un peu de civilisation, citronnade et coiffeur. Les nuages à l'horizon ont disparu. Le ciel est oxydé et rougeoyant sur l'île calcinée. Périm ne ressemble plus du tout à la Bretagne. C'était Mer Rouge, par Léon Verte.